Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oubliez les temps de malentendus, et les temps perdus à savoir comment. Oubliez les soeurs qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai ne parler de plus, mais nous des pays où il ne pleut pas. Je cacherai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera loi, et tu seras roi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, j'ai un bon taré de mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ce sentiment-là qui a mis deux fois le cœur s'embrasser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts, de n'avoir pas pu te raconter. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il des terres brûlées dont n'a plus de bleu qu'un meilleur avril. Et combien les soirs pour qu'un ciel flamboie, les rouges et les noirs, ne se poussent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne peux plus pleurer, je ne peux plus parler. Je me cache là à te regarder, danser, sourire, et à t'écouter, chanter et pourrir. Laisse-moi te bénir, l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.